écoutez, c'est vraiment trop bête. J'aimerais bien, avant de terminer mon deuxième mandat, qu'on puisse faire une passerelle entre l'AFCA et la FIFA. Donc j'aimerais qu'on invente quelque chose. Et voilà, c'est comme ça qu'on a imaginé un système permettant aux adhérents de l'AFCA d'adhérer aussi à la FIFA, parce que jusqu'alors il n'y avait que des adhérents français individuels, on va dire. Nous sommes allés avec Mika à une première réunion de la FIFA, c'était au Festival d'Annecy en 2000, je crois, hein, en 2000, je pense. Et puis on a expliqué ce qu'on faisait, etc. Les liens se sont noués petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a eu une réforme importante de la FIFA en fin 2003, puisque jusqu'alors c'était une association d'individus, et puis la FIFA a pensé que ce serait peut-être mieux de constituer la FIFA en groupes nationaux. Donc en fait, chaque pays avait un représentant, et c'est le représentant était censé faire remonter les informations du pays et de retransmettre les informations venant de la FIFA, suggérer des choses, donc un espèce de parlement, on va dire, de représentants nationaux. Et voilà, depuis, on est davantage impliqué. Moi, j'ai été élu comme représentant français au sein de la FIFA, je suis impliqué dans le bureau exécutif pour s'occuper de la journée mondiale. Aujourd'hui, il y a des relations très continues entre la FIFA et l'AFCA. Mais voilà, une brouille, il y en a eu un certain nombre dans l'histoire de l'AFCA, mais finalement, ça s'est bien terminé. Puisque maintenant, il y a des relations proches. Hein. Si j'en crois pour témoin la photo que j'avais sous les yeux il y a quelques jours de moi en tant que président de l'AFCA à côté du président de la FIFA, Noureddin Zarinkek, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Donc. Il faut juste rappeler que la FIFA, c'est l'Association internationale des films d'animation. Oui, c'est ça. Voilà. AFCA. Et oui, moi aussi, je l'avais sur le bout de la langue. Donc, AFCA, Association française du cinéma d'animation. C'est www.afka.asso.fr. Voilà, hein, tout est voilà. Et l'autre, c'est la CIFA, Association internationale du film d'animation. Donc un sigle français, puisque à l'origine c'est une initiative française. Oui, tout à fait. Voilà. Et dont le site internet est acifa.net. Net. On va peut-être faire. J'ai pratiquement suivi le début de cette ACIFA depuis 1956, et je ne veux pas le rappeler maintenant parce que ça c'est trop long. Mais l'idée a permis de réaliser de façon pratique le festival d'Annecy. Justement, on évoquait les deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, et rien ne passait. Je parle des films en général et aussi des dessins animés. Il n'y a pas grand-chose qui passait ce rideau de fer. Et si nous avions voulu créer un festival comme Annecy, je dis nous, parce que l'AFCA, c'était la CIFA, c'était la CIFA France avant, c'est une ligne continue. Et l'AFCA, premier club en 1957, sur le même principe que l'AFCA actuel. Sauf que la FIFA est internationale. Les amis du cinéma d'animation. Les amis, oui, artistes, amis aussi, pour qu'il y ait davantage de membres. Sinon, il y aurait eu 10 membres. c'était les artistes, il n'y en avait pas plus à l'époque. Mais ça a permis d'échanger les films, de faire venir des gens comme Ivanov, faire venir des gens comme Atamov à Cannes d'abord, puis ça, les films sous le bras, où c'était leur ambassade qui faisait nécessaire par la valise diplomatique. Enfin, on a eu des films. Et ça, on n'en avait jamais eu. Trinca est sorti, tout le monde est sorti, tous les grands. C'était ça l'idée. Et puis alors, comme c'était c'était des associations qui sont formées alors dans tous les pays, mais elles étaient très très très petites, peu nombreuses, parce qu'il y avait juste quelques réalisateurs et quelques membres faisaient partie, et c'était très facile alors de dire voilà, on regroupe ça et chacun individuellement, et membres individuels votent, etc. C'était une petite organisation. Puis l'Amérique a tout à coup eu plus de 2000 membres et c'est un continent, et les autres aussi, etc. Alors c'était difficile à manipuler. Donc voilà, c'était ça si vous voulez en quelques mots l'histoire. C'était des rapports politiques. Mais tout ça a fait évoluer l'animation, échanger des nouvelles, des films surtout. Mmh. C'est ça. Et des personnes. Ça a facilité des choses. Ouais. Parce que dans le bloc de l'Est, il fallait obtenir des prix. C'était ça. La Tchécoslovaquie a obtenu le prix de l'Annecy, festival d'animation, Karel Zeman, Irgi Trinka. Ça, c'était important. La Bulgarie. Figurez-vous que des deux réalisateurs bulgares m'ont pleuré dans le gilet à Annecy en 1960. 62 en disant si nous n'obtenons pas de prix, on fermera le studio. C'est ce qu'on leur a dit, des choses comme ça. Ça. Alors ça devenait important pour toutes sortes de raisons de prestige. Oui, c'est une notion de prestige. Oui, voilà. On va peut-être faire une petite pause musicale, puisque ça fait une bonne demi-heure qu'on parle, là, sans discontinuer. Nous sommes pas mal, décidément. Et je m'adresse à Sébastien qui n'a pas encore dit un mot. mais qui parlera tout à l'heure. Il nous a amené de la musique, alors Sébastien. Oui, j'ai amené des bandes sonores, en fait, extraits des films de Len Lai. Donc, c'est des films courts qui durent entre 3 et 5 minutes. Et j'ai donc repris le son intégral de certains des films de Len Lai. Et peut-être on peut commencer par le son du film qui s'appelle Rainbow Dance, qu'il a réalisé en 1936 et qui sera présent justement lors d'une des séances de cinéma expérimental d'animation au Festival de Hoche. Voilà. Très bien, et bien on écoute la musique de Len Lai. Savings bank puts a pot of gold at the end of the rainbow for you. No deposit too small for post office savings bank. Et vous êtes de nouveau, enfin vous êtes toujours sur Radio Libertaire, mais de nouveau sur Ville de Rêve. Donc on parle du Festival National du Film d'Animation. Alors en 99, le festival déménage et s'installe à Hoche. Il change de rue. Non, en fait, je crois que c'est plus qu'un changement de ville. C'est un changement d'échelle probablement pour le festival. Non, M.K. Alba, qui a connu la dernière édition à Marly en 96, puis ensuite a organisé la première édition à Hoche en 99. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? énormément de choses. C'est vrai qu'en 96, dans le cadre du festival, il y avait une assemblée générale de l'AFCA. Et tout le monde a été d'accord pour dire vraiment, c'est trop dommage d'organiser un festival quand même qui a une ampleur nationale. C'est vrai, comme le disait Serge, c'était une équipe de bénévoles qui faisait de son mieux. Et donc, il y avait forcément des proportions modestes, surtout du côté du budget, c'est vrai. Mais... mais c'est vrai qu'il y avait quand même toute la production française qui était présente. Il n'y avait même pas de sélection de films à l'époque. C'était complètement exhaustif. Ce qui fait aussi évidemment que lorsque les festivaliers venaient, il y avait de tout. On voyait de très bons films comme des films nettement moins intéressants, voire même très ennuyeux. Mais tout y était. C'était vraiment une vitrine exhaustive et objective de ce qui se faisait en France. Donc c'était vraiment très intéressant. Mais ça se passait, comme le disait Lionel, à l'INJEP, où il y avait une seule salle de projection de, si je me souviens bien, 250 places. Voilà, et donc organiser un festival national pour 200 personnes, c'est extrêmement frustrant. Moi, sur cette édition de 96, en fait, j'étais responsable de la communication du festival. Et j'ai passé les derniers jours, avant le festival, à répondre à des gens, désolé, on ne peut pas vous accepter, voilà, il n'y a plus de place. Et c'est extrêmement frustrant quand on travaille, enfin, à un moment donné, c'est plus très, ça manque de cohérence. Donc, c'est aussi ça qui a un peu motivé le départ de Marly. Et l'arrivée à Auch, vraiment ça, l'ouverture au grand public. C'est vrai que c'était vraiment principalement un festival de professionnels. On a voulu l'ouvrir vraiment aussi au grand public, faire découvrir l'animation, que ce soit pas un événement où les professionnels viennent voir leurs propres films ou ceux des copains, mais que ça soit vraiment aussi dirigé notamment vers les enfants, mais surtout surtout grand public, et l'installer dans une ville. C'était pas installé du tout, c'était effectivement à l'INJEP, c'était un peu cloisonné. Là, ça se passe dans plusieurs salles dans la ville, il y a des commerçants qui participent, enfin, c'est vraiment un festival qui vit dans une ville. C'est une ambiance de festival qu'il n'y avait pas vraiment à Marly. Et voilà. C'est une région aussi, on peut dire. Oui. C'est 32, le Gers. Il y a beaucoup de gens autour qui sont évidemment maintenus sous pression par notre ami Philippe Cagnet de Ciné 32 en amont pendant plusieurs mois. Donc il y a un intérêt, il y a aussi énormément de scolaires qui viennent. On arrive à remplir le théâtre municipal qui est en plus un joyau. C'est un petit théâtre à l'italienne de la fin du XVIIIe siècle qui est de toute beauté, où quand tout d'un coup il y a 400 gamins qui sont là et qui regardent Loulou de Solotareff, comme c'était le cas il y a de ça 200 ans, c'était magique, magique. Tout est au rendez-vous là. Alors 6 ans après, quel bilan de cette installation à Auch? C'est vraiment... Ah ben ça valait le coup, c'est certain, on ne regrette pas du tout. Peux-tu parler du climat favorable pour l'animation dans cette région du Gers, qui n'est pas loin de Toulouse, et sa cinémathèque? Oui, alors peut-être aussi, nous avions un rendez-vous, Michael et moi, je m'en souviendrai toujours, avec les élus de la ville d'Auch. Et il y a eu un concours, il y a eu un quiproquo. Et quand nous sommes arrivés là-bas, l'ancien maire qui est décédé, lui, était à Paris, puisqu'il était député maire ou sénateur maire. Et donc là, nous avons rencontré une des personnes qui s'occupait à la mairie de toutes ces affaires-là et qui a été d'une efficacité extraordinaire, parce que tout simplement... Cette mairie avait fait le pari de la culture, pas seulement d'ailleurs dans l'animation, mais aussi dans l'univers du cirque, dans l'univers aussi de... ils organisent Éclat de voix aussi, qui est un très beau festival sur tout ce qui touche justement aux qualités et aux cordes vocales de leurs invités, c'est-à-dire sur le chant et autres. Et donc il y avait un pari courageux à la fois des élus et en même temps de la région de donner une place prépondérante à la culture. Et ils n'avaient pas cet a priori vis-à-vis de l'animation. Et nous sommes revenus le lendemain, Michael et moi, à Paris, et sur le répondeur de l'AFCA, enfin ton répondeur, Michael, il y avait tout simplement un oui franc et entier et massif de la mairie et du maire pour nous permettre d'installer le festival là-bas. Et je dirais que avec une certaine logique, tout s'est organisé de façon à ce que l'ensemble des élus de la région, de la ville et de la région soient tout à fait, comment dire, en phase. Et même s'ils étaient de bord politique pas forcément proches, ils ont accepté cela. Et maintenant, le festival s'est implanté, hein, comme on dit. Il n'y a pas eu de rejet, il y a eu un greffon formidable. Si on avait la métaphore agricole assez facile ces dernières années. Mais bon, tout s'est fait d'une façon simple, fraternelle, ça j'apprécie aussi cet aspect des choses. Et bon, à l'arrivée, il y a un beau, je pense, un très beau festival qui est en place, avec des gens de la région, mais aussi des professionnels français qui arrivent d'un petit peu partout et qui maintenant ont vraiment grand plaisir à se retrouver à Auch, qu'ils estiment être un festival à dimension humaine, où on voit des films, mais aussi on peut rencontrer des gens, et aussi on peut passer du bon temps. Et quel est le rôle de Ciné 32 dans l'éducation pour l'animation en deux lignes? Parce que je crois que ça t'avait frappé, oui, à l'époque. Oui, bah, moi, en gros, que ciné-club, oui, pas, non, mais il se trouve que bon, moi, en amont, il y a une petite anecdote, c'est-à-dire que notre ami Philippe Caillet, donc, qui a en charge le jeune public au sein donc de cette structure Ciné 32, qui fait un travail fabuleux au niveau donc de la culture cinématographique dans la région, m'avait demandé de venir présenter pendant 5 jours Le Roi et l'Oiseau, puisque bon, j'ai eu la chance d'être le décorateur de Paul Grimaud et son assistant. Donc je suis allé avec Philippe pendant 5 jours, nous avons dû faire à peu près 450 km en voiture dans le département du Gers, et nous avons fait 17 interventions en milieu scolaire. Et à l'occasion donc de toute cette démarche, j'ai vu quels étaient les liens, j'ai vu quel était aussi ce réseau fabuleux d'enseignants qui s'arrachent la peau du cul pour que leurs enfants voient autre chose que ce que peut leur proposer la télévision ou les distributeurs qui n'ont pas d'état d'âme, et leur amener tout simplement un accès à la culture. Et je trouvais ça formidable. Il y avait, on peut le dire, oui, un militantisme. Et tout ça a été fait avec énormément d'enthousiasme et de désintérêt. Et c'est là où on s'est dit, tiens, ça serait bien. Et quand il m'a remis dans le train, j'avais une vertèbre qui avait sauté. Mais, en contrepartie, et ça a été douloureux, je peux vous assurer. Et en contrepartie, il y a eu des liens très forts qui s'étaient noués entre nous, Ciné 32, et dont nous avons pu bénéficier par la suite, quand Mickaël et moi, nous sommes revenus quelques temps plus tard. Voilà pour le climat. Voilà. À quoi sert le festival aujourd'hui, en fait? Quel est... C'est peut-être une question qu'on peut se poser. On a un festival national du film d'animation. À quoi il sert, ce festival? À montrer les films, simplement? On peut dire qu'en France, il y a un nombre assez important de festivals spécialisés de films d'animation. C'est quand même assez remarquable. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ce paysage-là. Il y a une bonne quinzaine de festivals. Celui d'Auch a la spécificité de présenter la production française. Ça, c'est déjà sa matière première, je dirais. C'est vraiment tout ce qui a été produit pour la télévision, pour le grand écran, enfin principalement court-métrage, et puis des films d'étudiants. Donc c'est déjà, voilà, les programmateurs, quand ils viennent au festival, c'est ce qu'ils viennent voir en priorité. Après, c'est vrai qu'une des choses qu'on privilégie beaucoup, c'est effectivement les rencontres. C'est de multiplier les rencontres. À la fois, il y a d'un côté des rencontres professionnelles qui sont plutôt pointues et qui intéressent principalement les professionnels, mais il y a aussi des rencontres entre professionnels et grand public. Tous les jours, on a une rencontre qu'on appelle les rencontres auteurs publics, où les réalisateurs qui ont un film en compétition ou hors compétition sont dans la salle avec le public, ils répondent aux questions. Enfin, on essaye de multiplier au maximum les échanges comme ça. Et ça, c'est une des choses que les festivaliers apprécient souvent. Les étudiants, là, je sais que, bon, puisqu'il y a de plus en plus d'étudiants qui s'intéressent au cinéma d'animation, lors du dernier festival à Auch, ce qu'ils trouvaient formidable, c'est justement de pouvoir parler, à la fois de se rencontrer entre eux et de pouvoir communiquer directement avec leur public. Et bon, on peut comprendre que les gens ont de la pudeur et que les choses ne se font pas forcément comme ça dans une salle, mais quand il sortait, parce que Auch n'est quand même pas une ville extrêmement étendue, et les lieux où l'on peut se rencontrer quand il fait beau, aux terrasses et tout ça, favorisaient ces échanges. Voilà, ça aussi, je crois que c'est une dimension très importante. On va faire le point sur la production française des deux années passées et un lieu de rencontre à la fois formalisé et informel. J'ai coupé la parole à Mika. Non, pas du tout. J'ai complété l'information. Allez, j'ai deux questions à poser. Je les pose en même temps. Est-ce que c'est pas frustrant d'être passé d'une vitrine exhaustive à finalement ne plus l'être, même s'il y avait des choses visiblement ennuyantes? Est-ce que c'est pas frustrant de se dire que... Oui, puisque maintenant, c'est plus toute la production, c'est une partie. Et donc un tiers, donc, ce qui n'est pas beaucoup. Et ma deuxième question, je la poserai à tous les festivals, même à Annecy, c'est une question qui me survient à chaque fois. Comment on choisit les jurés? Et comment on réussit et est-ce qu'on... Vous-même, parce que vous voyez quasiment tout ce qui se passe en France, qu'on n'est pas frustré de voir finalement ce qui arrive sur les écrans dans la sélection, en espérant, en disant ah, pourquoi tel n'y est pas un tel, si on a envie d'avoir une vitrine, encore une fois, si Auch, comme avant, se veut en fait avant tout une vitrine de ce qui se fait. Non, merci de jouer au poil à gratter, voilà. Alexis. Mickaël. Moi, je me permettrais juste de donner un petit avis, et puis après, ça renverra à notre ami Sébastien Ronceret, qui fait partie justement de ceux que l'on a... Je vais déjà répondre à la première question, voilà. Ce qui concerne la frustration. C'est clair que ça frustre deux tiers des réalisateurs qui ont inscrit un film. Ça, c'est clair. On a régulièrement des échos après les résultats des sélections. Mais pourquoi? Comment ça se fait que mon film n'y est pas? Effectivement, voilà, on dit on avait un comité de sélection qui a ses goûts, sa subjectivité. Voilà. Excuse-moi, je parle vraiment pas des réalisateurs, je parle justement des gens qui ont la chance et qui sont, donc l'Association française du cinéma d'animation, donc, qui ont pour but de défendre, de promouvoir le cinéma d'animation français. Est-ce que, voilà, là, est-ce que pour vous, c'est pas des fois un petit peu dur? Pour Mickaël, pour moi, et pas seulement pour nous. Je veux dire, nous assistons, Mickaël plus que moi d'ailleurs, nous assistons à la projection de la totalité pratiquement des films qui ont été proposés, soumis à cette sélection. Alors il est évident que Mickaël parlait de subjectivité. De toute façon, dès l'instant où il y a sélection, il y a forcément subjectivité, puisque on va demander à trois personnes de juger en fonction de ce qu'elles sont, en fonction de leur regard. La plupart sont généralement des réalisateurs ou des enseignants ou des gens très proches du cinéma d'animation, donc chacun réagit en fonction de sa culture, de son héritage psychologique, etc. Donc c'est sûr qu'à l'arrivée, il y a des films qui sont retenus qui peuvent nous déconcerter, d'autres qui ne le seront pas, et là on peut se dire tiens, ah bon, c'est pu être déconcerté, là c'est même parfois être très étonné. Mais bon, ainsi, je veux dire, dans la mesure où on joue le jeu de la sélection, et on n'avait pas d'autre choix, parce que si on montrait 450 films à peu près, combien 430 cette année, c'est sûr que là, une semaine n'y suffirait pas. Il nous faudrait donc un festival de 15 jours, mobiliser autant d'énergie et de disponibilité vis-à-vis du public, ce serait pratiquement impensable. On a beau retourner le problème dans tous les sens, c'est-à-dire soit on joue le jeu de montrer tout, et dans ce cas-là, il faut être aussi honnête, dans le lot, sur les 430 films, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. Il y a aussi des choses où les gens, parfois, il y a une méprise un peu sur ce que peut être animation, mais à la limite, pourquoi pas? On a eu des films pleins de très bonne volonté, on va dire, qui sont porteurs d'espoir. Donc, on ne pourrait pas. Et de l'autre côté, une sélection, forcément, une sélection, elle est par définition injuste. Et pourquoi finalement ne pas l'équipe de l'AFCA? Pourquoi n'est-ce pas l'équipe de l'AFCA? Comme Cannes, par exemple, ils ont des sélectionneurs, ils le font clairement. Et pourquoi finalement l'AFCA, Auch, Annecy, c'est la même chose. Pourquoi demander à des gens finalement extérieurs à faire cela et pas vous, qui êtes bien placé? Nous avons fait les deux. Oui, on a fait les deux. Alors quand on fait l'AFCA, les connaisseurs, si ce salaud de Kornman ne sélectionne pas mon film, eh bien, nom d'un chien, il m'en veut, etc. Et puis, ce n'est pas juste. Ah, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes, parce que lui, il a ses amis. Non. Par exemple, il voit que Huneau présente un film, Charpie présente un film, il est sélectionné d'office, je ne vais pas me fâcher avec eux. Et voilà, n'est-ce pas? Mais c'est ça, c'est exactement ça. Alors, on a la critique inverse. Ah oui, ce sont c'est politique. On voulait pas justement être taxé de parti pris. C'est vraiment, alors là, on a été d'un très grand respect, Sébastien, enfin, me semble-t-il, Sébastien, à aucun moment, on a fait valoir, on a fait peser sur toi et les deux personnes qui t'accompagnaient. On t'avait passé baïonné par Mickaël, il ne peut pas parler. On te disait, voilà, Sébastien, tu vois, ce film-là, ça serait vraiment bien si tu mettais une paire de lunettes particulières pour les voir sous un angle différent. Alors, précise que Sébastien Rosseret faisait partie du comité de sélection des films professionnels. Des films, oui, voilà. Alors, d'abord, réponds, est-ce que tu as subi des pressions? Non, effectivement, j'ai subi aucune pression, je le jure, devant toutes les plus grandes fois de cinéma. Tu reprends un peu de voix, Non, aucun souci là-dessus, bien au contraire, même, on a parfois insisté sur certains films qui n'étaient pas nécessairement, du coup, des personnes qui s'occupent du festival, et c'est plutôt bien aussi qu'il y ait ce genre de débat. Par rapport à la sélection, moi, j'avais une position assez particulière, parce que je connais le cinéma d'animation, mais je ne connais pas nécessairement très bien le cinéma d'animation. Mon domaine est vraiment plutôt autour du cinéma expérimental et d'une approche pédagogique du cinéma. Par ce biais, effectivement, j'ai vu quand même beaucoup de choses en cinéma d'animation, mais pas nécessairement essentiellement dans la production française, ni même dans la production contemporaine. Donc effectivement, j'avais un regard un petit peu en recul par rapport à certains films. Je sais que les deux autres personnes du jury, de la sélection, parfois repéraient des noms, se disaient « Tiens, par rapport à celui d'avant, il était différent, mieux, moins bien, etc. » Moi, j'étais relativement « vierge », entre guillemets, par rapport à tout ça, ce qui était assez agréable. L'un était réalisateur de films, d'animation, et l'autre, enseignante. Qui, du coup, effectivement, avait parfois déjà un préavis, d'une certaine manière, sur les films, ne serait-ce qu'à l'intitulé ou au nom du réalisateur, etc. Donc moi, j'étais assez... Enfin, un peu sur une autre manière de voir les films, de les sélectionner, d'un autre regard par rapport à ça. Et effectivement, ce qui, moi, m'a beaucoup étonné par rapport à la sélection, c'est que, enfin, ce qui a été proposé sur les 400 films à peu près qu'on a vus, un peu moins, je pense. 200, parce qu'il y avait deux comités. Il y avait deux comités. C'est bien qu'on n'avait pas vu 400, mais autour de 200 films. Ce qui m'a vraiment étonné, en tout cas de mon côté, j'ai essayé de défendre aussi, c'était les modes de production, les modes de réalisation différents à l'intérieur du cinéma d'animation. Alors effectivement, certains films, parfois, j'avais l'impression que, comme tout à l'heure, Sony Amical, comme il y a beaucoup de festivals de cinéma d'animation, beaucoup de festivals de courts-métrages, certains films, j'avais l'impression que ça valait pas nécessairement la peine de les programmer ou de les sélectionner parce que je pense que d'autres festivals le feraient très bien et qu'ils vont avoir comme ça déjà, entre guillemets, une carrière festivalière suffisante, même sur des films un peu que j'aime pas particulièrement, des choses un petit peu mitigantes, enfin où j'étais un peu mitigé, je préférais dire, bon, celui-ci, on va peut-être le mettre de côté, il n'a peut-être pas nécessairement une obligation à être sélectionné pour le Festival de Hoche. Par contre, d'autres films qui avaient des méthodes, des techniques, des approches différentes, peut-être des modes de production aussi qui étaient pas officiels, pas aussi stricts, pas aussi historiques aussi que d'autres films, ceux-là, oui, je me disais, bon, ça vaut la peine qu'on les montre, peut-être dans le panorama, peut-être pas en compétition, et ensuite on discutait de tout ça, mais en tout cas qu'ils soient visibles par un public qui vient dans un festival de cinéma d'animation. Donc il y avait vraiment ces deux créneaux-là que j'ai essayé de repérer à l'intérieur des films, ceux qui me paraissaient trop des films de festival, peut-être, et puis ceux qui, effectivement, montraient une certaine dynamique, même s'ils étaient absolument minoritaires dans l'ensemble de la production d'animation contemporaine en France, mais qui montraient une dynamique différente sur des modes de production, des modes de réalisation, des intérêts de cinéastes par rapport à cette discipline, etc. Donc, de mon point de vue, en tout cas, enfin, de mon côté, j'ai essayé de plutôt choisir des films qui allaient un petit peu dans ces eaux-là. Ensuite, il y a effectivement la subjectivité absolue de tout ça, l'affect sur certains films, sur certains sujets, certaines affirmations qui sont proposées dans les films et qui effectivement aussi me faisaient aller vers tel ou tel film. Mais... D'ailleurs, à ce propos, est-ce que, enfin sans vouloir dévoiler plus que ça, mais est-ce que vous êtes retrouvé dans des rapports d'opposition frontale avec les deux autres personnes, par exemple, sur certains films? Est-ce que c'est arrivé fréquemment ou dans l'ensemble, vous avez réussi à trouver une espèce de modus vivendi entre vous assez rapidement? Ou est-ce que chacun avait vraiment trois manières d'approcher le cinéma d'animation très différents? Tu vois, trois manières différentes. Qu'il y a eu très peu de films, en fait, où on s'est mis tout de suite d'accord sur le fait que, oui, d'accord, celui-ci serait présent. Ensuite, d'accord, de là à dire que c'était vraiment des conflits, je pense pas. Il y a eu beaucoup de discussions. Oui, il y a eu pas mal de discussions. Je pense qu'il y a peut-être une petite dizaine de films sur lesquels, vraiment, l'un d'entre nous tenait absolument qu'il soit présent. Ouais. Les deux autres étaient plutôt pour l'éliminer, littéralement. Ouais. Et après, en force de discussion, de force de persuasion des uns ou des autres, on arrivait soit à l'inclure à la programmation en panorama ou en compétition, ou bien, effectivement, on jaugeait aussi les uns par rapport aux autres. Si je ne sais pas, si mettons que j'avais trois films que je voulais absolument, dont je voulais qu'ils soient présents dans la programmation, bon, peut-être j'en laissais un en disant, bon, si j'accepte que celui-ci n'y soit pas, je vais essayer d'insister sur les deux autres, des choses comme ça. Il y a aussi ce rapport de pouvoir, entre guillemets, alors qu'il n'y a absolument pas... c'est pas du calcul violent, c'est pas politique, quoi que ce soit. Enfin, mais en tout cas, il y a ce rapport-là qui, effectivement, se met en place à l'intérieur d'un comité de sélection. Ça, c'est évident. Surtout, moi, je ne connaissais pas du tout les deux autres personnes qui s'occupaient de la sélection. Que les films bon, qui sont en sélection sont en sélection, ça on l'a compris, mais ceux qui sont en panorama, c'est pas du tout des films qui sont déméritants, loin de là, ce sont des films qui auraient pu se retrouver aussi en sélection et qui sont des films de qualité qu'il faut appréhender avec un regard tout aussi, comment dire, bienveillant. Idem par rapport à tout ça, moi, étant un peu extérieur à la production du cinéma d'animation contemporaine, quand il y avait des films en compétition en panorama, pour moi, ça n'avait pas vraiment une grande différence. L'important, c'était qu'ils puissent être visibles. Voilà. Après, même peut-être qu'un film en compétition, il est déjà chargé de quelque chose par rapport au regard que le public pourrait avoir sur ce film, plutôt qu'un film qui serait montré en panorama. Panorama, c'est souvent considéré comme la curiosité, on va voir ce qu'il y a en plus, et la compétition, ce serait ce qu'il y a de plus officiel, etc. Donc, bon, qu'il y ait des choses qui soient un peu en marge dans la compétition, moi, je trouve ça parfait. Qu'il y ait des choses très installées, très officielles, très attendues dans le panorama, c'est très bien aussi. Mais je pense qu'il y a aussi ce double jeu pour le spectateur de se retrouver dans des séances compétitives ou juste de panorama. Et ça, c'est des choses qu'on a essayé vraiment, nous, de mettre en avant. C'est génial. C'est une très bonne discussion. J'aurais juste ma deuxième question. Oui. Donc, comment font les gens de l'AFK pour... On sait qu'Auch, maintenant, prend une importance quand même, hein, pour les gens de l'animation en France. Comment fait-on pour que les jurés, tous les deux ans, aient une consistance, on va dire une bonne consistance, de manière à ce qu'il y ait un film directeur